بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد. إن شاء الله من اليوم سنبدأ مباشرة في الكتاب الذي يتعلق بالتعبية. langue arabe, qu'on appelle la science de la langue arabe, elle est divisée en différentes catégories. Parmi les nahou, qui est connu, la grammaire, il y a al-qira'a, la lecture, il y a al-kitaba, le khat, qui concerne l'écriture, al-balara, qui concerne ce qu'on appelle l'éloquence. Il y a également al-imla, qui concerne l'orthographe, comment écrire les mots, la Hamza ou le placé. Et parmi les sciences également de la langue arabe, il y a celle-ci que nous allons prendre, qui est Al-Ta'bir. Al-Ta'bir, qui est entre autres l'expression orale. Ta'bir, c'est le masdar du fi'l Abbara yu'abbiru. Abbara yu'abbiru. عبر يعبر تعبير اسم المصدر تعبير طيب عبر c'est un mot qui veut dire c'est un verbe طيب عبر qui veut signifier le fait d'interpréter par exemple عبر رؤيا c'est interpréter un rêve طيب et عبر عن quand on rajoute un حرف جر c'est exprimer une chose formuler quelque chose énoncer quelque chose la ta'bir c'est son masdar masdar je sais pas si vous avez déjà vu c'est quoi un masdar c'est le nom qui est pris d'un verbe qui définit l'action sans avoir de lien avec le temps مثلاً خرج فعل خرج et puis il va sortir يخرج c'est le mot d'aller son masdar c'est خروج خرج ça veut dire sortir et khuruj, c'est le masdar, c'est-à-dire sorti. Mm. C'est le mot qui définit l'action, mais il n'est pas lié au temps. Il se définit l'action. Par exemple, ça, ce serait s'exprimer. Donc, ça, ce serait genre. L'expression. Énonciation, ainsi de suite. Et ça, un masdar. Et à chaque fois que vous cherchez un verbe dans le kamus, dans le marajum, dans le dictionnaire, pas le mordjem, mais après dans le dictionnaire, il vous donne le verbe. Sa forme mardi passé, parce qu'il n'y a pas l'infinitif en arabe. Vous voyez, c'est directement au mardi. Ensuite, il vous donne le mot d'arrière, vous voyez, qui est le présent. Et ensuite, il vous donne le masdar. Dans le dictionnaire, on trouverait comme ça. Mardi, mot d'arrière, vous voyez, voilà l'exemple. Ma, masdar. Là, le mot, ma. Non. Vous voyez. Et même d'ailleurs, souvent il arrive comme ça. Il arrive dans le Sulvan. Souvent dans le Koramus, vous voyez, dans le dictionnaire, il arrive comme ça. Avec qui il fait le Nour, le Maraïtou, à Gaza. Là, l'Ena Abdennour, c'est un Koramus de traduction. Moi je parle de dictionnaire arabe. Tu vois, arabe. Ah. Yep. Dictionnaire arabe. Et Jérôme Nalfi à la tête. Non. Vous voyez. Parce qu'un matroul, fille. عنوان الدرس le titre عنوان le titre هو السفر السفر السفر ça veut dire voyage Safar, ça vient de Wesh. Ensuite, il vous donne quoi? Les différents douloureux qu'il y aura dans le sujet qui est Safar. Il y a Awalen Ijara Afis Safar, c'est les formalités de voyage, c'est ce qu'on va prendre en premier. Fimekteb El Hajj ou El Hizd. Ça, c'est par l'agence de réservation. Puis Solet, la Safa, c'est dans la. Comment on appelle ça la salle de réception pour les voyageurs. Ou plutôt la salle d'embarquement, plutôt. Non. La salle d'embarquement. Ensuite, puis Solet, El Stikbayl, ça, c'est la réception, là où l'accueil, là où les voyageurs ils arrivent. Et le dernier, c'est Ma'asair Sayyarat Ujra, avec le conducteur du taxi. Ah ouais. Donc tout ça, ça va venir. Ça, c'est juste un Mokadima. Ah. Chaque verse va venir, donc le titre va se répéter, Inch'Allah. Donc nous, le premier, c'est, on a dit, Ijra'at As-Safar. Vous voyez, Ijra'at As-Safar. Pas Ijra'at, là, c'est un. C'est un Jam Mu'anath Salim. Et le singulier, le mufrad, c'est ijra'a, qui veut dire formalité. Vous voyez, formalité. Fawalan tibi el kalimat el jadida, nouveau vocabulaire. Fajidwal, on a dans le tableau, on a yurid el kalimat el jadida. Awalan yakul taskira. Taskira, ça c'est un billet. Ticket et billet. Et nous, on va prendre le jam en même temps. Tafkira. Tafkira. Et ça, c'est le moufrad. Le jam, c'est. تذاكر يس تذاكر كفى تذاكر ألف هنا تذاكر ensuite le mot d'après جواز السفر ça c'est le passeport à la base جواز quel est le جواز. C'est un mot qui veut dire permission. Vous voyez, c'est un mot qui veut dire permission. Jawaz, permission. Donc en fait, c'est une permission de voyager. Mm. Ce qui est traduit chez nous par le passeport. Ouzbour, après Ouzbour, Hada, c'est la semaine. Vous voyez, c'est la semaine. Et le jeu, c'est Asabia. Osbourg, c'est là, je veux dire, c'est Asabia. Toira, l'avion. Et Toira, c'est l'avion. Et Jem, c'est Toira. On rajoute un livre et un thème. Jem, voilà, c'est un livre. حجز يحجز ça c'est réservé حجز يحجز à la fiat du معنى réservé ça veut dire réservé طيب سفرون on a dit quoi سفرون c'est le voyage سفر c'est le voyage اين Bab Yahjizu, Tart. Yahjizu, Bab. Ah. Oui. Yahjizu, c'est je réserve. Il réserve. Ah. Safar, c'est voyage. Tassalama. Yetassalamu طيب تسلم يتسلم ف هذا فعل qui veut dire recevoir, réceptionner. Qui veut dire recevoir, réceptionner. Et c'est un verbe, hein? C'est un khumasi, c'est un 25 lettres. Après, quand on parlait de toi, tu me disais kallama ou yatakallama. Et bien, yatakallama, c'est comme tasallama. C'est la même. C'est la même mesure. Non. Vous voyez ? Donc le mardi c'est tasallama et le mudari il y a tasallamu. Vous voyez ? Tasallamu. Istikharaj, ça c'est un masdar. Du verbe istakharaja, istakharaju. Istikharaj, ça veut dire quoi ? C'est désirer faire sortir quelque chose. Vouloir faire sortir quelque chose. Ah hein? Donc je sais pas comment traduire, mais là dans le texte il a un peu le même sens que tasallam. Donc istikhraj là ce serait à la base ce serait plutôt je sais pas moi extraction, mais là dans le texte c'est pas ça qu'ils veulent. C'est la même origine, mais après le, quand tu rajoutes des lettres, ça change de sens. Ça, c'est dans il est pareil le sens. Là, il n'est pas pareil. Chaque fois que tu rajoutes des lettres, ça apporte un nouveau sens au verbe. Ça, c'est dans le sens où il y a Inch'Allah. Toutes les fois où des lettres sont rajoutées dans un verbe, qu'est-ce que ça apporte comme sens nouveau ? Ça y est. Akmala yukmilu. Akmala, ça veut dire ici achever, compléter. Yukmilu, c'est le mudawaliya. Et ikmal, c'est le masdar. Ikmal, c'est le masdar. Et akmala, c'est un verbe en quatre lettres. Rubai. Je vais dans ça, comme il se conjugue. Chaque verbe qui a, en fonction de ses lettres, de son nombre de lettres, a une conjugaison particulière. Alors, c'est yatin shalafi, dolus esaf. Là, il va vous donner certains verbes, il va les conjuguer pour vous. Mais quand vous allez apprendre le sens, ça va être du mathématique. Dès que vous allez voir un verbe, ça va le conjuguer tout de suite, tout seul. Là, juste, il va vous montrer comment, certains verbes, mais quand vous allez faire le sens, Inch'Allah, le verbe sera conjugué directement tout seul. Biznillah. Masdar. Ikmael. Ikmael, c'est le masdar de Yukmilu. Kif Aktub Masdar. Masdar, Lim, Sod. Del ro, masdar. Masdar. Masdar. Masdar. Dor. Dod. La, del. Masdar. La qui n'a avec le sort qui est devant, ça fait un tafrima. Tu dis pas masdar. Masdar. Aïe. Même arna masdar. Il n'y a pas de tradition. C'est le mot qui vient du. C'est pas racine. Ça serait plutôt une référence, quoi. Racine, ils disent des racines. Non, racine, c'est asli. Mazdar, c'est plutôt genre une référence, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent. Dans les bijra'at, on l'a dit au-dessus, c'est une formalité. Ta'shira, ça c'est le visa. Ta'shira, c'est le visa. Vous voyez ? Khuruj, c'est-à-dire sorti. D'ailleurs, vous connaissez déjà ce mot avec les tabliers. Khuruj fisabilillah. Sorti sur le sens d'Allah, d'après eux. Donc, khuruj, c'est la sortie. Après, dukhul, c'est le contraire. La rentrée. Non, ça vient de dakhala yadkhulu. Et khuruj, c'est le masdar de kharaja yadkhulu. Istilam, c'est un masdar aussi d'un verbe qui est istalama, qui veut dire comme tasallama, un peu, recevoir quelque chose. Tazakir, je sais pas pourquoi ils vous l'ont mis là, ils ont dû mettre avec tafkira, c'est le jam de tafkira, on l'a pris au début. Des fois, je ne sais pas pourquoi l'ordre, pourquoi des fois, ils mettent les mots de façon désordonnée. Mais bon. Taïeb. Antouma. C'est quoi Antouma? C'est un damir. Allez voir. Qui veut dire vous deux. Antoum. C'est un damir qui veut dire vous. Au masculin. Antunna, c'est un damir qui veut dire vous, au féminin, à des femmes. Ruma, c'est un damir aussi qui veut dire eux deux. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Ou ça peut être un homme et une femme. D'ailleurs, il est mixte. Hum, c'est un damir qui veut dire eux. D'ailleurs, ou il. Ça dépend comment tu fais la phrase. Runda, c'est le féminin de hum. C'est elle. Avec un S au pluriel. Et ben voilà, istakhraja, une fois de plus, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas avec le masdar qui est en haut, c'est le verbe. De istikhraj, c'est son verbe. Vous voyez, comme je dis, istikhraj, c'est un masdar. Ben, le verbe c'est istakhraja, yastakhriju. Al-an, maman al-an. Maintenant. Ta'lim. Ça veut dire enseignement. C'est le mansard de allama yu'allimu. Ta'lim, ça veut dire enseignement. Et là, ma'ruf. Ça veut dire non. Après, dit tarkib al-nahwiya, tarakib al-nahwiya ou sarfiya. Cela, laissez-les. Parce que ça va revenir dans le texte, donc ça va faire une répétition. Et ta'bira, ces expressions qu'il y a dans le texte, elles sont faciles. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est lorsqu'on passe le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ma'louf. Si Allah le veut. J'ai dit Inch'Allah. Après, on a le hiwar. Hiwar, c'est la conversation. L'échange, la discussion. عندنا حوار بين محمود ورشيد فانت تقرأني انت محمود وانت رشيد طيب تفضل واذا في كلمه جديده نقف فيها ونشرح معناها في نوفو مو كي ني با بريزون لو تابلو ونساعد دوسو ان شاء الله ونترجم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متى تسافر إلى المملكة العربية السعودية دونك محمود فنوا فاليا دونك متى معروف اسم استفهام كي يدير كون طيب تسافر سي ان فيرب سافر كي يدير voyager تسافر كون est-ce que tu vas voyager en fait. Il est Harfaja, Marouf. Al-Mamlaka, le royaume. Arabia, arabe, Saoudia, le Saoudi. Le royaume d'Arabie Saoudite. Quand vas-tu voyager? Le royaume d'Arabie Saoudite. Adawal Marna. Tout ça, Firou, c'est Anta. Après, à la fin, ils vont vous mettre le verbe conjugué entièrement avec tous les sujets, Inch'Allah. Tous les dommages. Fadal, Rachid. Fil Ouzbou al-Qadim, Inch'Allah. Non. Donc. Fi, Harfajar, c'est connu. Donc, quoi? Al-Uzbour, c'est la semaine. Al-Qadim, c'est prochaine. C'est-à-dire la semaine prochaine. Qadim, c'est une chose qui arrive. C'est une chose qui arrive. Donc, Al-Uzbour, Al-Qadim, c'est la semaine prochaine. Inch'Allah, ma'alouf. Ok, il fait tout ça, Firo. Bita'irati, ba'da ikmal al-ijra'ati safar. Donc il dit, Mahmoud il a dit, quand est-ce que tu, ou comment vas-tu voyager, par quel moyen vas-tu voyager? Rachid il répond, Bita ira. Donc là, bi c'est un projet qui veut dire par. C'est d'autres sens, mais là le sens voulu c'est par. Bita ira par avion, Bard qui veut dire après, Ikmel, c'est après avoir complété, Ikmel on a dit c'est-à-dire quoi compléter, achever, Ijraat et Safar, les formalités de voyage. Donc il dit, par avion, après avoir complété les formalités de voyage. Non. Mahmoud. Hal hajazta. Donc, hal hajazta, c'est as-tu réservé. Et as-tu réservé? La. Lam atasallam. Lam atasallam. Tazkira. Wa ant. Donc il dit quoi? Non. La, non, marlouf. Lam atasallam. Tazkira. Taïb. La, lam. C'est un harf. Taïb. Qui sert à quoi? À faire une négation dans le passé. Dans le passé ou dans le présent? Alors, dans un film, dans un verbe présent, mais le sens, c'est le passé. Quand tu dis lam atasallam, c'est je n'ai pas reçu. C'est comme tu dis par exemple zahaba. Comment tu dis j'ai pas été, je n'ai pas été. À la base, avec le mardi, comment tu dis ma zahabtu. Et bien, avec le mudari, tu veux dire lam azhab. Les deux ont le même sens. Sauf que tu en as un, son apparence, elle est au présent. Mais quand c'est l'homme, ça le renvoie au passé. Ça, Inch'Allah, c'est Al-Hujaz, ça veut dire Al-Juroumi, Inch'Allah. Mais le sens, c'est quoi? Ça renvoie au sens passé. Non, vous voyez? Non. Donc il dit, je n'ai pas réceptionné les billets. Et toi? Ou Anta? Et toi? Non. Tassallam touha, wa tassallam, wa tassallam. Wastakhrajtu. Wastakhrajtu, jawaz al-safar. Donc Mahmoud, il dit, non. T'as une question? Dinam, lui les a déjà pris. Tassalam touha. Vous voyez, je les ai déjà. Réservés. Non, pris. Ah, vous voyez, je les ai déjà reçus. Wastakharajtu, jawaz safar. Donc là, on dirait, j'ai demandé de faire sortir le passeport, mais ça ne se dirait pas. Vous voyez. Donc on dira pareil, j'ai reçu le passeport. J'ai fait une demande de passeport, en fait. Et je l'ai reçu. Ça sera duré comme ça. Mais Starajah, comme je vous ai dit, c'est un verbe qui veut dire vouloir faire sortir quelque chose, extraire quelque chose. On ne dit pas j'extrais mon passeport. Ça ne se dit pas en langue française. Donc c'est quand il dit j'ai désiré mon passeport et je l'ai reçu. Je me suis fait délivrer le passeport en fait. D'accord. Rachid. Sa'adhabu l'an l'istilamia. Donc il dit je vais aller maintenant pour le recevoir. Ou les recevoir, les billets, en fait, il parle de billets. Ça, al-zahabu, quand tu mets ça dans un fiel, pour dire, ça veut dire quoi? C'est le futur. C'est le futur. Ça, al-zahabu, je vais aller maintenant. Vous voyez, ben, li, c'est un projet qui veut dire pour istilamiha, pour les réceptionner, les recevoir. Istalama, c'est un mazdar de l'istalama. Et le ha, al-domir, il revient à qui? Les billets. D'ailleurs, ouais, les billets. Parfait. Mahmoud. Amma ana fasa ukmilu ijra'ati ta'shirati dukhuli wal khuruj. Naam. Mahmoud dit et quant à moi, je vais compléter les formalités pour obtenir le visa d'entrée et de sortie. Quand tu dis Amma, ça s'agirait par quanta. Quanta. Quand. Quanta. Quand tu as. Là, c'est pas quanta, c'est quand avec un T. Et quant à ça, moi je dis ça, si, c'est ça. C'est là. T'as vu? Lorsque, en fait. Non, c'est pas lorsque. Bah, donc tu dis. Tu dis. Mohamed est algérien. Mais quant à Ibrahim, il est marocain. Quant à. Ah, donc il dit Amana, donc quant à moi, en ce qui me concerne. Face à Ukmilou, je vais compléter Ijra'at, Ta'shirat et Dukhul. Je vais compléter les formalités du visa d'entrée et de sortie. Et quand tu mets Amma, voyez, quand tu mets Amma, et bien dans la phrase, il y a un fa qui vient aussi. Quand tu vois Amma ana fa sa ukmilu. Par exemple, Kabikuli ta'ala, Famma latima, surat al-duha, Famma sa'ilu, fala tanhar, masalam. Et quant au questionneur, ce qu'il te demande, ne le rejette pas. Vous voyez? طيب التكست النص مفهوم؟ مفهوم طيب فيقول أولا استمع وردد. Donc il veut que tu écoutes et que tu répètes. Donc là il va vous montrer comment conjuguer le verbe tasallama. Voyez, tasallama. عندك انت تقرا كل واحد يقرا جمله انت الاولى ثم انت الثانيه ثم انت الثالثه ثم انت الرابعه هكذا انا تسلمت تذكره السفر سفري j'ai reçu les billets du voyage انا تسلمت quand le verbe revient au passé avec انا c'est tout tu dis tout نعم تفضل نحن تسلمنا تذاكر السفر. نعم. Nous avons réceptionné le billet de voyage. أنت تسلمت تذاكر السفر. سفر. نعم. أنت تسلمت تذاكر السفر. أنتها. لا. أنتما. أنتما. هذه ميم. أنتما تسلمتما تذكر السفر. أنتم تسلمتم. أفن جست نقف هنا على أنتما تسلمتما تذكر السفر. C'est vous deux, vous avez reçu, طيب, le billet du voyage. Donc tu dis quoi? تسلمتما. طيب تسلمتما. نعم. أنتم تسلمتم تذكر السفر. نعم. Vous avez reçu le billet du voyage. أنتنا تسلمتنا. تذكر السفر. نعم. Donc vous, c'est là il parle des femmes. Vous avez reçu, vous avez récupéré plutôt les billets du voyage. هو تسلم تذكر السفر. نعم. Il a récupéré les billets du voyage. هي تسلمت. تسلمت. هي تسلمت تذكر السفر. هما تسلم تذكر السفر. نعم. هما تسلمت تسلمت تسلمت. En fait, le premier هما تسلما c'est pour deux hommes. Non. Et quand tu mets un ta, qu'on appelle ta tanis et sakina, c'est le même que هي تسلمت. C'est le même ta. Seulement là, on rajoute le alif après derrière. Qui lui c'est un domir, c'est lui le fa'il, c'est le sujet. Quand tu dis هما en parlant de deux femmes, تسلمت, ça te fait différencier entre l'homme et la femme. طيب كما قال تعالى ليس ذكرك الانثى طيب le mâle n'est pas comme la femelle même dans les règles du parler en langue arabe tu différences entre l'homme et la femme c'est précis طيب c'est le même domir en apparence mais quand on conjugue le verbe là tu vois la différence si on parle d'homme si on parle de femme هما تسلم تسلمت تذكر السفر نعم هم تسلموا تذكر السفر نعم اسم مذكر هنا تسلمنا تذكر السفر. نعم. Donc attention à celui-ci. هنا تسلمنا تذكر السفر. Là c'est pour des femmes. Elles ont récupéré les billets. Et نحن تسلمنا. Là il y a un mad, il y a un alif à la fin. Et là tu n'as pas. Voyez, les deux ils finissent par un nun. Seulement t'en as un, il y a un alif. نحن تسلمنا. Et l'autre c'est هنا تسلمنا. Les deux alif, sans alif. نعم هذا مفهوم طيب ثانيا اكمل كما في النموذج دونك يدي كومبليت كوم باغ اكزومبل échantillon نموذج سي ان échantillon à la base mais là il veut dire quoi l'exemple donc le نموذج il dit انا سافرت بالطائره donc moi j'ai voyagé par avion. Donc il veut le fassiez pareil avec les autres dama'ir. Comme on a fait avec tasallama. Sauf que là c'est safara qui veut dire voyager. Tayyib, on va le faire ensemble celui-là, inshallah. Nahnu, tfaddal anta, ibda. كيف تقول كما تدي نحن سافرت سافر هيك عمل سافر سافر أبوتي بالضمير متصل سافر كيف نحن أيوة نحن سافرنا نحن سافرنا سافرنا بالطائرة بالطائرة نعم أنت سافرت بالطائرة نعم Anti. Anti, safar. Safar. Tabil al-mad. Anti, safarti, bittayirat. Antuma. Safartuma, bittayirat. Non, antum. Antum, safartum, bittayirat. Antunna. Antunna, safartunna, bittayirat. Hua. Hua, safara, bittayirat. Hia. Safarat, bittayirat. Huma. Attention là, on veut, je veux le muzakkar. Huma, safar. Attention, mettre. Safar. Après, tu mets Damir, comment tu dis? Safarama. Là. On a dit comment, tasallama? Huma. Tasallama. Donc là, huma. Huma, safarama. Safarama. Là. C'est quoi là qu'on rajoute? Quand on a dit Huma, tasallama. C'est quoi le verbe? Tasallam. Donc on a ajouté quoi comme lettre à la fin? Tasallama. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Non, le mim il fait partie du verbe. Le verbe c'est tasallama. On a rajouté quoi comme verbe, comme lettre à la fin? Alif. Fakat. Juste un alif. Donc là, tout pareil, tu rajoutes un alif. Donc tu dis Huma safara. Aïwa. Huma bitayra. Safara bitayra. Non. Maintenant je veux Huma bin mouannath. Qu'est-ce que tu as dit? Huma safarata bitayra. Ahsant. Hum. Hum. Safaru. Nam. Bitayra. Nam. Ahsant. Hunna. Hunna safarna bitayra. Tayyib. Donc le ba. Yakul. Tayyib. Yakul. Ana. عرفت البقالة عرف يعرف كي بدي كنتر طيب عرفت سي جي كون والبقالة طيب سي ليفيسي البقالة بقالة ها بقالة البقالة سي الرجل والبقالة سي اللي l'épicerie, on va dire. Wal-baqala, avec la fatha, voyez, c'est l'épicier. Ah, l'épicola. C'est l'épicerie. C'est un petit dokken où ils vendent, tu vois, des ingrédients, de la nourriture, souvent. Voyez. Donc là, l'an, ou l'irad, inshallah, pour demain, tafhalani nefsa shay. Vous faites la même chose qu'on a fait avec les deux autres verbes. Mais là, il veut juste nahnu, anta ou anti. Vous voyez ? Eh bien, moi, je vous rajoute, je veux tous les deux derrière. Vous voyez ? Comme ça, c'est acquis, Inch'Allah. Et neuf sochei. Jim, yakoul. Ana, hajastu, et tafkira. Vous voyez ? Il dit, moi, j'ai réservé le billet. Fatafalani neuf sochei, ma'addamair. تتصلان الضمائر بالفعل تصرفان الفعل وكونجيغي لو فيرب avec tous les ضمائر plus que نحن و plus que انت ثالثا يقول اسند الافعال الاتيه للضمائر السابقه دونك يدي اتاش لي ضمائر لي عفوا il y a des liens entre les verbes présents qui arrivent là, suivant, et les dhamma'ir des exercices précédents. C'est-à-dire nahnu et anta, seulement ils veulent. Donc vous faites ça avec al-fir, sakana, qui veut dire habiter. Arafa, qui veut dire connaître. Hajaza, qui veut dire réserver. Tana wala, ça a plusieurs sens. C'est ça peut être cueillir. Par exemple, je dis tanawaltu al-fawaki, j'ai cueilli les fruits. Ou tanawaltu al-dawa, ça j'ai pris des médicaments. C'est un sens de prendre, c'est un peu comme prendre un peu. Ou tanawaltu al-rada, j'ai pris le déjeuner. Ça dépend de la phrase dans laquelle il se trouve. Vous voyez, ça dépend de la phrase dans laquelle il se trouve. et hadara qui veut dire se présenter. Vous voyez, hadara qui veut dire se présenter. Donc vous faites avec nahnu et anta. Rabi'an, akmil kama fil namoudaj, complète comme dans l'exemple. Donc il dit dans l'exemple, هل تسلمت التذكرة؟ As-tu reçu le billet? يقول نعم تسلمتها. Oui, je les ai reçus. هل قرأت الكتاب؟ As-tu lu le livre? نعم قرأته. Oui, je l'ai lu. Donc là, regardez, c'est le damir muttasil, le damir qui est accroché au verbe, qui revient à quoi? Au mot sur lequel on interroge. Tasallamta, hel tasallamta taskira, nam tasallamtuha. Le ha est à qui? Ou à quoi? Taskira. Nam. Et hel qara'ta al-kitab, as-tu lu le livre? Nam qara'tuhu. Le hu là, il revient à quoi? Ah, kitab, arsaltuhu. Nam. فالآن dans l'exercice qui suit, vous faites pareil. Vous conjuguez le verbe et vous accrochez le damir qui correspond au mot sur lequel on interroge. Qui est à la base de ma folie. Tamam, fa'adaf et bait. Le plus gros travail de ce livre, c'est la maison. Juste au début, je vois si vous avez cerné. On fait l'exercice ensemble. Si vous avez compris, le reste à la maison. Si vous n'avez pas compris, je vois, on continue dans le dash, tu vois, on soit bien assimilé. Mais là, je vois, alhamdoulilah, c'est des choses, je le connaissais déjà. Alors, le plus important dans ce livre, c'est surtout, ça va être le vocabulaire et les formules. Maintenant, les conjugaisons des verbes, Inch'Allah, c'est ensemble. Inch'Allah. Allez. Donc, Rabi'an, Fel'en, Khamisan, cinquièmement. Akmil, Kama, Fidnamouzaj. Complète comme dans l'exemple. النموذج يقول السؤال هل حجزت للسفر؟ As-tu réservé pour le safar, pour le voyage. طيب لا لي حرف جر. الإجابة la réponse نعم حجزت له. Donc le حرف جر il se répète. طيب sauf que là le damir il revient à qui? Safar. On regarde le harf ja, on y accroche un domir, qui revient à quoi? À safar. Pourquoi? Parce que dans la question, il y a un harf ja, il est là. Donc on le remet dans la question, dans la réponse à point. Et en plus de ça, on met un domir qui revient à l'interrogation pour ne pas faire de répétition. Tu ne vas pas dire par exemple, hel hajasta li safar, nam hajitu li safar. Ça fait lourd. T'as dit, c'est répété. Donc on met un domir. Nam hajastu lahu. Naam hajastu lahu. السؤال الثاني هل ذهبت إلى المدرسة؟ As-tu été à l'école؟ الإجابة la réponse نعم ذهبت إليها. Oui, j'y ai été. Tu vas pas redire نعم ذهبت إلى المدرسة. C'est lourd. Donc on garde le même حرف جا, il est toujours là, mais on y accroche à dormir. إليها. Vous voyez? On fait long, on fait ensemble maintenant, inshallah. تقرأ مدرس داود وانت طالب en fait c'est quasiment toi qui va tout faire inshallah تفضل هل حصرت لا c'est un dod peut-être que lui il est mal à prendre le point c'est un dod c'est pas un sod comme il est mal à prendre tu ne vois pas bien hein. هل حضرت إلى السكن؟ Donc, t'es-tu rendu voilà au dortoir, on va dire. Sekel, c'est le lieu de résidence un peu. Par exemple, souvent, ils disent Taknis as-sakan asfal raden ala asab fulan fulan. C'est-à-dire le balayage du dortoir inférieur sur les gens de tel pays. Tu vois souvent dans Sekel. Quand on dit Sekel, c'est le lieu où les toulabs dorment. Mm. Donc, t'es-tu rendu hadara, on a dit, c'est se rendre quelque part, être présent, se présenter. Donc là, c'était t'es-tu rendu au dortoir. Jawab, la réponse. Naam, hadartu ilayhi. Naam. Ahsan, naam, hadartu ilayhi. Je me suis rendu. Hal wasalta bit-tayrat. Donc, es-tu arrivé par avion? Wasala, ça veut dire arrivé. Naam. Naam, wasaltu biha. Naam, ahsan. Donc, vous avez compris la projet des restes. Il tombe à dormir. هل سألت عن الحجز en fait c'est la réservation. Donc c'est as-tu interrogé pour la réservation? نعم سألت عنه. نعم. هل جلست على الكرسي؟ نعم جلست عليه. نعم est-ce que tu t'es assis sur la chaise? طيب bon, oui je me suis assis dessus. تريد؟ نعم. طيب الآن تأخذ المدرس وهو يأخذ الطالب. نعم. هل الجواب؟ نعم. هل سكنت في الحجرات؟ Donc as-tu habité dans la pièce؟ حجرة ça peut être un appartement, une pièce. حجرة ou حجرة؟ Hein؟ في حجرة. حجرة. Donc tu vois tes barbouda c'est une casserole quelque part. حجرة. نعم. C'est une pièce, appartement, comme ça. Ça peut être une chambre aussi. Ils ont mis Ujurat. Wasakena Yaskunu, c'est habité. Talib et Shakul. Naam, Sakentu Fihi. Là. Et un thème à Ujurat. Ça veut dire que le mot, il est quoi? Quand tu vois le thème arbouta comme ça à la fin. Fiha. Eh ouais. L'origine, c'est que c'est un mot féminin. C'est l'origine. Des fois, ça peut dire que c'est un mot masculin. Ça arrive des fois. Mais l'origine, si tu vois le thème arbouta comme ça, à la base, c'est que c'est un mot féminin. Adikalima, mu'annatha. Naam. Thumma. Hal katabta bil qalam. As-tu écrit avec le stylo? Katabtu. Naam. Bi. Bihu. La. Là. Bihi. Bihi. En fait, c'est le hu, c'est le même domir, et quand il revient un mot qui est le kasra, il devient le kasra l'oufi. Tu dis bihi. À la base, c'est bihu. Vous voyez? Mais le plus correct là, c'est de dire bihi. Mais c'est le même domir, c'est hu. Allez, ma foum. Ça, disant, sixièmement, ajib, kama fil namouzaj. Donc, réponds comme dans l'exemple. النموذج محمود تسلم التذكرة محمود a reçu le billet. Ben, là il va vous donner quoi? Le harf qu'on a pris au début qui rentre dans le fait modalé et qui le rend passé comme on a dit. محمود لم يتسلم التذكرة. محمود n'a pas reçu le billet. Quand tu vois لم qui rentre dans un verbe, d'ailleurs son sens c'est le passé. En apparence il rentre dans un fait modalé. Dans un verbe, voyez, au singulier, un verbe au fond au présent. Mais le sens, c'est un sens au passé. Voyez, un autre point, normalement, quand l'aime, il y en a dans un verbe, on doit lire, à la base, s'il n'y a pas un domaine accroché, à la fin, c'est une soukoun. Tu dis l'âme adhab, le bel est en soukoun. L'âme ajlis, le signe est en soukoun. L'âme af'al, le lem est en soukoun. Et là, normalement, c'est l'âme est à sal l'âme est à skira. Mais là, l'âme kasra. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un harf l'âme, non? Là, c'est pas pour ça. Il y a une raison. Là-bas, c'est une soukoun, mais là, c'est une kasra. Pourquoi? Ça, c'est une règle qui tape à ouen. Avec le alif l'âme de taskira. Ah, ouais. L'égypte, c'est quoi ça qui est naïn? Parce qu'il y a un autre lettre sakin qui vient derrière. En langue arabe, t'as pas le droit d'avoir deux lettres. Vous voyez? Sakin avec une soukoun qui se rencontre. Donc pour éviter cela, ils ont mis une kasra. Mais à la base, le mim, il y a une soukoun. Vous voyez? À la base, le mim, il y a une soukoun. Donc fais attention à ça. Toi, si tu t'arrêtes, tu vas dire Mahmoud, lam, et tasallam, t'arrêtes, et tasqira. Mais si tu enchaînes, tu dis lam, et tasallam, et tasqira. Tu veux dire la kasra. Donc là, il dit quoi? Il veut que vous répondiez. Le problème, c'est qu'ils vous mettent des verbes, ils ne vous ont pas appris c'est quoi leur moudarabia. Ça n'a pas été très. C'est pas très stratégique comme question. Attendez. Yaqul, Rashidun, Istakhraja, et Ta'shira. Le problème, c'est que. Il n'a pas mis au début le moudarabia. De Istakhraja et Istakhraju. Il y a. Donc vous le retrouvez dans le tableau au début. Comment on dit au Moudaria? Il est au début. Tana wala, celui-là il n'a pas mis. Et le Moudaria c'est Yatana walu. Voyez? Tana wala, al Moudaria, Yatana walu. Yatana walu, il n'y est pas dans le livre. Yakra ma'louf, kataba yaktub ma'louf, vous connaissez. Arada, c'est quoi le mot de arada? Yuridu. Voyez, arada yuridu. Shariba, c'est quoi le mot de Yashrabu. Tu le connais? Non. Voyez, donc, tous ces verbes-là, vous rentrez l'âme dedans. Voyez, vous rentrez l'âme dedans. Et s'il y a besoin, vous mettez une seconde. Et s'il n'y a pas besoin, vous mettez ce qu'il faut mettre à la fin. Ma foumada ? Il n'y a pas d'aller à Zin Kazalik. Filbeit. On a tous un arpifouna. Ou Raden, ça c'est le coup en kélémet jadida. Ou son sawib est un ma'alin. Je vais vous interroger sur les mots. On va corriger l'exercice. Au fur et à mesure, ça va être plus vite. Pourquoi est-ce que là, c'est comme c'est le début ? Et comment c'est la machine, mais après vous allez comprendre toutes ces mêmes. Généralement, c'est les mêmes exercices qui viennent. Ça se répète, c'est juste des nouveaux mots qui viennent. Mais les formules, la façon de faire, c'est la même. Quand même, il faut juste s'habituer et après, Inch'Allah, ça va aller vite. Et surtout après, le vocabulaire. Inch'Allah. Fils Ouel non. Allez voir, trop de temps. C'est là j'ai reçu les billets et j'ai fait une demande de passeport. Donc pas utiliser ce verbe-là dans un autre contexte, hein, que dans le contexte. Lequel? Tassalama? Ouais, si par exemple, Tassalam tour, dis ça là. Non. Mais recevoir autre chose aussi, comme je sais pas, un cadeau par exemple, ça se dirait pas. Tu peux le dire aussi. En fait, tassalama, c'est une chose que tu attends qu'on te donne. Tassalama, c'est tu reçois. C'est ailleurs. Wesh, t'as dit quoi? Tu reçois. Tassalama tout. Non, tassalama. Tassalama. En fait, ça se traduit par l'infinitif, c'est recevoir. Ah. Mais en vrai, c'est il l'a reçu. Il a reçu. T'as ça de la main, c'est il a reçu. Vichy Ara. Autre chose? Là? Taïeb. Ça va être bien. On a coulé, alhamdoulilah, l'arbitre.